إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 71 dans les cours de l'explication de Kitab al-Tawhid. Donc on est rendu au chapitre 22 si je ne me trompe pas, et dans ce chapitre c'est l'explication comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé les limites du tawhid et a fermé toutes les portes qui amènent au shirk. D'accord, donc là on va lire le deuxième hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه ورواته ثقات. Donc le شيخ il dit عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث. Donc là le Cheikh Saleh Al-Fawzan il explique cette partie là. Ce hadith, qu'est-ce qu'il dit si on le traduit? C'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos maisons devenir comme des tombes ou des cimetières, et ne faites pas devenir ma tombe comme un Eid, c'est-à-dire un endroit que vous visitez constamment. Wa sallu alayya, et envoyez sur moi vos saluts, vos salams, et vos prières, vos doigts, parce que votre doigt, il m'atteint de là où que vous soyez. Et on va lire l'explication de ça, qu'est-ce que ça veut dire en détail, dans l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit, ثلاث كلمات قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Ce hadith, il y a trois phrases dedans, d'accord? La première phrase, الكلمة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا, يعني لا تعطلوا البيوت من ذكر الله ومن صلاة النافلة ومن تلاوة القرآن, لأنها إذا عطلت صارت مثل القبور, لأن القبور ليس فيها عمل, خاوية خالية, حفر مظلمة, إلا من نورها الله عليه بنور الإيمان الذي سبق لهم في الحياة الدنيا. فهذا فيه العناية بالبيوت, بيوت المسلمين, وأن تعمر بذكر الله وبتلاوة القرآن والصلاة النافلة والإكثار من ذكر الله, بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل النوافل التي لا تشرع لها الجماعة كلها في البيوت, أما الفرائض فإنها تكون في المساجد, وذلك بعمارة البيوت, بعمارة البيوت, لأنها إذا عمرت بذكر الله ابتعدت عنها الشياطين, ونشأ أهل البيوت من النساء والذرية والساكنين فيها على طاعة الله, وصارت هذه البيوت مدارس خير يتخرج منها المسلم الموحد. Donc le Cheikh explique la première partie de ce hadith. Il y a dedans la première phrase, ne faites pas vos maisons devenir comme des tombes ou des cimetières. Ça veut dire, il ne faut pas que vos maisons soit vidé du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut toujours qu'il y ait dans vos maisons le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne des exemples de formes de dhikr, comme par exemple, salat al-nafila, de faire les prières qui ne sont pas obligatoires, au lieu de les faire à la mosquée, de les faire à la maison, hein, comme c'était la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tilawat al-Qur'an, de lire le Qur'an à la maison, à voix haute. Et ça c'est quelque chose de bien également, c'est pas juste dans les mosquées qu'on doit s'assurer pour réciter le Coran, mais aussi à la maison. Comme ça, la cheikh il dit, elles sont, comme ça elles ne deviennent pas des tombes. Parce que dans les cimetières, il n'y a pas d'action, il n'y a pas, c'est pas un lieu d'adoration. Hein. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas vos maisons devenir comme des cimetières ou comme des tombes. Hein. Parce que c'est ça ce qu'il dit, les tombes c'est des lieux qui sont vides. Et c'est pas des lieux pour faire des actions, mais c'est des endroits où il y a des trous, des ténèbres, yani. Excepté pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé leur tombe à cause des actions qu'ils ont faites durant la vie. Hein, donc ceux-là, pour eux, inshallah, leur tombe sera illuminée lorsqu'ils seront enterrés, inshallah, ils auront de la lumière dans leur tombe. C'est-à-dire, c'est pas une lumière, qu'on peut actuellement constater ou voir, mais elle est là, c'est une lumière abstraite ou une lumière, et en est que ça fait partie du ghaib ou du barzakh, hein, on peut pas en témoigner ou la voir avec nos yeux, mais on sait qu'elle est là parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Et il dit que de s'occuper de nos maisons et des maisons des musulmans pour qu'elles soient remplies du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la lecture du Coran et des salawats qui sont pas obligatoires, nawafil, et de faire beaucoup de dhikr, hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire les salawats nafila qui ne sont pas ordonnés de faire en groupe, de les faire à la maison. Et ça c'est une chose que les musulmans d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous on a négligé ça malheureusement, on fait toutes les sunan à la mosquée. Hein, quand on rentre, on fait rak'atayn, et puis quand on finit la salat, on fait rak'atayn, ou même des fois on fait 4, hein, au lieu de le faire à la maison. Et ça c'est contraire, ou c'est quelque chose, yani, c'est-à-dire on a abandonné le fait de faire les nawafil à la maison, d'accord. Et donc, les gens de la maison, ils ne voient pas des fois faire les bons exemples. Les salawats et des choses de ce genre, hein, et ça c'est quelque chose de, qui est pas bien, yani. Aussi, on récite pas le Coran dans la maison parfois. On garde le Coran comme une décoration. Ou bien, il y en a qui mettent le Coran, des cassettes, mais comme une musique d'ambiance, yani. Hein, comme s'ils la mettent là comme un bruit de fond, là, pour tuer le silence. Mais ils ne prennent pas le temps vraiment d'écouter qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit quand ils entendent ces cassettes et de méditer sur la signification. Ils font seulement juste mettre ça comme un bruit de fond là, ou comme une musique, ou comme un son pour faire de l'ambiance dans la pièce. Et ça c'est bien entendu, c'est pas correct. En ce qui concerne les prières obligatoires, ben ça on les fait à la mosquée, ça c'est l'obligation. وذلك لعمارة البيوت لأنها إذا أمرت بذكر الله لسكون في الذكر لسكون سأتلبى الله سبحانه وتعالى في المزون للشياطين للذياب يلبون في الوانية في المزون لا et les enfants et les femmes qui sont dans ces maisons là où il y a le dhikr d'Allah vont être éduqués et vont être élevés sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces maisons là deviennent en fait comme des écoles, des écoles où les enfants et les femmes apprennent le bien, tandis que les autres maisons où il n'y a pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben malheureusement on voit toutes sortes d'autres choses qui en sortent, hein. Donc al muslim al muwahhid, on voit qu'ils sortent de ces maisons là où il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éducation à la maison. Le cheikh dit amma idha kanat hadhihi al buyut خالية من ذكر الله فإن أهلها يعيشون في الجهل ويعيشون في الغفلة ويصيرون يصيرون مثل الموتى فما بالكم إذا خلت البيوت من ذكر الله جلب إليها وسائل الشر وجلب إليها وسائل الشر من الأفلام الخليعة وجلب إليها الجهاز الذي يستقبل محطات التلفزيون من العالم بما فيها من فساد وخلاعة ومجون وكفر وإلحاد وشرور عظيمة كلها تدخل في هذا البيت بواسطة هذا الجهاز الشيطاني الذي ينصبه صاحب البيت. ماذا تكون هذه البيوت؟ تكون بيوتا للشيطان، لا تكون مقابر فقط، إنما تكون مآوي للشياطين والعياذ بالله، يتخرج منها أشرار من الذرية والنساء، يصاحبهم عدم الحياء وعدم الغيرة وحب الشر والحرص على تنفيذ ما يرونه في هذه المبوثات من الشرور وفساد الأخلاق وفساد الأمور، وسيطبقون هذه الأمور التي يرونها ويشاهدونها وتؤثر على أخلاقهم وعلى عفتهم، ويتكاسلون عن الصلاة بل يضيعون الصلاة بسببها، ويقولون هذا العالم المتحضر، انظروا إلى العالم ماذا يفعلون، هذه هي الحياة، هذه الحضارة، هذا هو الرقي، نحن مشتغلون بأمور بعيدة عن الحياة. سيقولون هذا، شئتم أم أبيتم أيها الآباء، وأنتم السبب في هذا، أنتم مسؤولون أمام الله يوم القيامة. الله قال لكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنتم ما وقيتم أنفسكم ولا وقيتم أهليكم من النار، بل جعلتم النار بيوتكم، بل جعلتم أو جلبتم النار إلى بيوتكم، جلبتم النار إلى بيوتكم. الشيخ يذكر إلى montre par opposition à aux maisons où il y a l'appel d'Allah سبحانه وتعالى. Il dit qu'il y a les gens de bien qui sortent de cette maison et il y a des enfants et des femmes qui sont éduqués sur la foi et sur le tawhid et tout. Et de l'autre, d'un autre côté, il y a les maisons où il n'y a pas de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vraiment, c'est dans beaucoup de maisons dans les pays musulmans actuellement, on trouve qu'il n'y a pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces maisons-là, malheureusement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les gens dans ces maisons-là vivent dans l'ignorance et dans l'indifférence, l'insouciance. Ils deviennent comme des morts. Hein? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, l'exemple de la maison dans laquelle il y a le rappel d'Allah, ou de celle qui n'a pas le rappel d'Allah, ou bien si c'était un individu qui se rappelle d'Allah et un autre qui ne se rappelle pas d'Allah, c'est comme le vivant et le mort. C'est ça la comparaison. Hein? Donc la vraie vie, c'est de se rappeler d'Allah. Et la maison dans laquelle il n'y a pas le rappel d'Allah, eh bien, c'est comme une maison de mort, c'est comme une tombe. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette analogie-là pour nous faire comprendre l'état de la maison dans laquelle il n'y a pas de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maison dans laquelle il n'y a pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on voit que il n'y a pas de bien dans cette maison-là. Ça c'est s'il n'y a pas le rappel d'Allah seulement. Mais si, non seulement il n'y a pas le rappel d'Allah, mais en plus, comme le cheikh il dit, on amène dans cette maison des appareils ou des trucs de comme des satellites, les appareils satellites ou les téléviseurs avec des films où on montre des femmes, où on montre d'autres choses qui sont haram, hein, et on amène ces appareils-là dans les maisons, hein, et dans des appareils de télévision et tout ça, et dans tous les satellites où on voit les émissions et les trucs qui viennent du monde entier. Donc le cheikh il dit, dans ces émissions on voit toutes sortes de choses qui sont perverses, impudiques, il y a du kufr et de la mécréance, et toutes sortes de mauvaises choses qui passent dans ces télévisions-là. et tout ça, toutes ces choses-là entrent dans la maison à cause de ce moyen-là, de cet appareil qui est en fait qui vient du shaitan, c'est l'appareil du shaitan. Et le propriétaire de la maison, le père de la famille, il entre cet appareil-là dans cette maison, et donc il fait rentrer, le shaitan dans sa maison par ce moyen-là. Et donc ces maisons-là, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles deviennent des maisons pour le shaitan. Parce que si toi t'es dans un endroit où les gens sont, disons, ils conservent et préservent leurs mœurs et leur bonne morale islamique, et qu'il n'y a pas de moyens de corruption qui sont présents dans la société autour où tu habites, tout le monde est disons sur l'akhlaq, les bons comportements, la pudeur et al-haya et tout ça, puis que tu amènes un appareil téléviseur dans lequel on témoigne de tout ce qui se passe dans d'autres endroits où il y a beaucoup de mal et de corruption, même si tu dis que bon, nous on vit dans un quartier qui est propre et où les gens sont sur le bon comportement et la bonne foi et les bonnes œuvres, eh ben le fait que les gens qui sont dans cette maison s'assoient devant ces émissions et ces choses et qu'ils voient ces choses-là, même s'ils n'ont pas ces choses-là à proximité d'eux, ça les influence quand même, et ça peut même les amener à vouloir imiter qu'est-ce qu'ils vont voir dans ces téléviseurs et dans ces émissions, et essayer de les copier. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font dans beaucoup de pays musulmans, dans certains pays arabes, et même non-arabes aussi, musulmans non-arabes et musulmans arabes, on voit qu'ils prennent des émissions qui sont faites en Occident, et ils les refont exactement les mêmes, mais dans la version de la langue de différents pays, de ces différents pays-là. Et donc, c'est exactement les mêmes émissions, sauf qu'ils vont changer certains thèmes ou certaines choses qu'ils vont couper, par exemple, parce que ils considèrent que, soi-disant, comme eux, ils disent, la société est pas prête à accepter ces choses-là. Pour eux, c'est comme, c'est, disons, par étapes. Ils préparent ça pour l'avenir. Pour l'instant, ils disent qu'ils sont pas prêts, mais dans quelques années, ils vont l'accepter. C'est ça leur plan. Et donc, c'est ça ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans, malheureusement. Et les jeunes, comme le cheikh il dit, les gens qui regardent ça à la télé, ils perdent leur pudeur, ils perdent leur jalousie et leur sens de l'honneur, et ils commencent à aimer le mal, et ils commencent à, disons, avoir le désir de suivre et d'imiter ces gens-là, et ils corrompent leur comportement, ils perdent leur chasteté, et tout ça à cause du fait que ils se sont permis, disons, le père ou le responsable à amener ces moyens-là dans la maison. Même des fois, subhanallah, je me souviens dans certains pays musulmans, tu vois des maisons en pierre, yani c'est des maisons qui sont construites, ouais, comme des bidonvilles, yani, avec des toits en tôle. Hein, c'est-à-dire, c'est pas une maison bien construite avec du béton puis tout ça, non. Des maisons faites en pierre, avec un toit en tôle, comme des bidonvilles, et tu vois deux ou trois satellites sur le toit, subhanallah. Hein, ça c'est grave, hein, subhanallah. Des fois même il y a des maisons, dans chaque pièce il y a une télévision, subhanallah. Dans le salon il y a une télévision, dans la cuisine il y a une télévision, dans la chambre à coucher des parents il y a une télévision, dans la chambre des enfants il y a une télévision, dans chaque pièce il y a une télévision. Donc c'est pour voir à quel point ça divise la famille, parce que yani, l'être humain il a pas de haya quand il rentre dans ces choses-là, il perd son haya. Il n'y a plus après de rapport entre les membres de la famille, tout le monde est branché sur cet appareil comme s'il est hypnotisé, s'assoit devant des heures devant, sans même réfléchir. Et le cheikh il dit, qu'est-ce qui arrive? C'est que des gens, des fois, ils deviennent paresseux de faire la salat à cause du fait qu'ils s'assoient devant ces appareils-là. Et subhanallah, il y en a même qui abandonnent même la salat à cause de ça. subhanallah, il y a un frère qui me disait même une fois, c'est pas des musulmans, mais bon, c'est des koufars, le mari et sa femme. Le mari, il a son ordinateur, et puis la femme, elle a son ordinateur. Le mari, il passe la nuit à chatter dans le salon, et sa femme, elle chatte dans la chambre. Les deux, c'est comme s'ils sont deux étrangers dans la même maison. Hein? Donc c'est pour vous dire que comment ces instruments-là et ces appareils-là, parfois, peuvent même détruire la famille, peuvent même détruire le mariage de certaines personnes. Donc lui, il parle avec des femmes sur Internet, et l'autre, elle parle avec des hommes. Et puis, c'est parce que c'est ça ce qui arrive, et peut-être même ça peut arriver dans des familles musulmanes, Allah understand. Donc c'est juste pour vous donner des exemples du mal qui viennent de ces appareils. Donc les enfants qui sont dans ces maisons-là, ils grandissent en regardant qu'est-ce qu'ils voient dans ces appareils, les émissions qui viennent des autres pays, et en particulier des pays occidentaux, et ils voient le monde entier, ils disent « Ah, regardez, ça c'est le monde civilisé, ça c'est le monde évolué, hein ?» Et donc ils commencent à regarder l'Occident et les autres pays avec beaucoup de, disons, de d'éblouissement, puis de d'émerveillement, hein, ils disent waouh, ça c'est ça la vraie vie, nous on est loin de la vraie vie, on n'a pas atteint ce niveau, hein, subhanallah. C'est un peu comme supposons des gens qui sont supposons dans la campagne de la France ou dans les petits villages du Québec très très éloignés, et puis ils regardent la ville de Montréal, qu'est-ce qui se passe ici, ils disent oh, waouh, ça c'est la vraie vie, hein. C'est un peu comme ça, Yanni. Donc, pour eux, dans d'autres pays musulmans, ils s'imaginent que ici, là, c'est là que ça se passe, la vraie vie, l'action, oui. Hein? Allah musta'an. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, Yanni, ils montrent seulement les belles choses. Ils montrent seulement les belles choses, qu'est-ce qui se passe ici. Et même j'étais à Al-Madina, Al-Munawwara, on devrait dire Al-Madina Al-Nabawiya, et il y avait un jeune qui fait du taxi avec sa voiture, et puis je lui ai demandé de m'amener quelque part. Là, en route, il me demande d'où je viens, je lui dis que je venais du Canada, et donc là, il me disait « Oh, wow, ça c'est un beau pays, j'ai vu à la télé, les gens là-bas sont propres, et ils mangent… bien, et tout est propre, et tout est beau. » Hein, j'ai dit, subhanallah. J'ai dit, toi, t'as vu ça à la télévision? Il me dit, oui, j'ai vu ça à la télévision. J'ai dit, ils te montrent juste ce qu'ils veulent que tu vois, hein, le modèle idéal de toute chose, même aux États-Unis. Mais quand des frères, on est allé avec des frères aux États-Unis, on est passé dans des quartiers, il y a les rats qui marchaient, il y a les poubelles qui traînent dans la rue, les saletés, hein, tu marches à New York, dans Manhattan, tu vois quand tu marches auprès des poubelles ou des déchets, tu vois des dizaines de rats qui se promènent et qui courent là-dedans. Donc c'est pour vous dire, des fois, ils vous montrent seulement les beaux endroits, les belles choses, mais la réalité de comment certaines personnes vivent, eh ben ça c'est la majorité des gens, ils nous cachent ça, la réalité. Donc, les gens, ces émissions-là et ces choses-là, c'est des genres de propagande qu'ils font. C'est comme eux, les koufars, par exemple, quand ils montrent aux gens d'ici, aux koufars d'ici, les pays musulmans, ils vont uniquement montrer les choses laides et les choses mauvaises pour que les gens d'ici vont dire « Ah, on n'a rien à envier à ces gens-là, c'est des gens qui sont des gens qui font des sauvageries, des choses mauvaises, des choses comme ça, tu vois ». Donc, alors qu'en réalité, si on avait, disons, on pourrait faire la même chose avec ces pays d'ici, montrer toutes sortes de laideurs et de choses vraiment mauvaises, ouais, et puis faire nos propres commentaires là-dessus, et puis le montrer aux musulmans pour regarder la réalité de ce qui se passe. Là, vous allez comprendre. Arrêtez de rêver, là, et de penser que ici c'est le paradis sur terre. Hein. Mais bon. Le chef, il dit, les enfants, ils vont dire ça, que vous le vouliez ou non. Et c'est à cause de toi. Il dit, c'est à cause de toi, oh, le père. qui a permis de faire ces choses-là, yani, et d'amener ce moyen de les corrompre enfin. Yani. Et il dit que tu es, que vous êtes responsable devant Allah au jugement dernier pour qu'est-ce qui arrive à votre famille. Hein. Subhanallah. Il y a des, tu vois, des fois, même dans le quartier ici, j'observe des fois des gens, des enfants, des musulmans qui traînent dans la rue, subhanallah. Hein, des garçons, des jeunes filles aussi, et puis qu'ils traînent dans la rue, puis tu dis, subhanallah. Vraiment, quand tu regardes l'état de, des parents de ces enfants-là qui traînent comme ça, mais là tu comprends. Quand tu les vois de, au début, tu dis, qu'est-ce qu'ils font ces enfants-là dans la rue, c'est des enfants musulmans. Mais après quand tu vois les parents, comment les parents vivent, là après tu comprends tout. Hein, parce que c'est des parents qui font pas la salat, c'est des parents qui boivent de l'alcool, c'est des parents qui passent leur journée dans la télé, des choses comme ça. Donc c'est normal que les enfants n'ont pas de guidance par la suite. Hein. Et puis leurs meilleurs amis c'est des koufars, et quand ils jouent dans la rue c'est comme s'ils sont comme eux, il n'y a pas de différence. Et à l'école c'est comme ça donc. Donc ça c'est la responsabilité du père. Et au jugement dernier, il y en a des pères, ils vont avoir des gros comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils n'ont pas fait leur job, hein, ils n'ont pas fait leur travail. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 6, dans surat al-Tahrim, « Ô vous qui avez cru, sauvez vous-même et vos familles du feu de l'enfer, dont le carburant sera les pierres et les hommes et les pierres. » Donc, il dit, le cheikh dit, vous n'êtes pas protégé vous-même et sauvez vous-même, et vous n'avez pas sauvé non plus vos familles de l'enfer. En fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez amené l'enfer dans vos maisons. Et souvent, il y a des gens comme ça qui vivent dans les problèmes. Hein, des fois, subhanallah, il y a des gens qui viennent, par exemple, pour demander des conseils pour des conseils à la mosquée. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont dans des problèmes familiaux, des trucs comme ça. Eh ben, les genres de problèmes familiaux, les genres de problèmes qu'ils ramènent, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Et tu vois que ces gens-là vivent dans un, je dirais pas un enfer, mais ils vivent tellement des problèmes graves. C'est pas les problèmes que tu peux résoudre avec une réponse comme, oui, tu dois faire ça ou ça. C'est des problèmes profonds, là. Parce que, il y a eu des négligences qui ont été accumulées depuis des années et des années et des années. Et pour réparer ces problèmes, c'est pas une petite réparation là qui va, une petite parole qui va faire là, changer la situation. Il faudrait que la personne change sa vie au complet pour arriver réellement à éliminer ces affaires-là. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais il faut que la personne ait la volonté de changer, qu'il soit prêt à faire les efforts nécessaires pour arriver à ça. Et ça, bien, sans l'aide d'Allah, c'est sûr que c'est impossible. Hein? Donc, ça, c'est juste des exemples. Mais il y a des moyens d'éviter de tomber dans ces situations-là, c'est en faisant les bons choix. Quand c'est le temps de faire des choix, de faire le bon choix. Comme par exemple, quand quelqu'un veut se marier, de choisir la femme, faire attention. Quand toi t'es le père, un gars il vient demander la main de ta fille, fais attention. Ça c'est des choix qui sont des grandes décisions dans la vie d'une personne qui vont influencer tout ce qui a rapport avec le reste de ses décisions dans sa vie. Donc de prévenir les problèmes en faisant des bons choix lorsque c'est le temps de les faire. Le cheikh dit ensuite: وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا مَنْ ابْتُلِيتُمْ بِهَذِهِ الْآلَةِ الْخَبِيثَةِ أزيلوها عن بيوتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وعليكم السلام ورحمة الله. وأمركم بالعناية بالبيوت بأن تعمروها بطاعة الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال إنها لا تطيقها لا تطيقها البطلة أي الشياطين أي لا تطيق سماع سورة البقرة فانتبهوا لبيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا فيه العناية بالبيوت المسلمة وأن لا تهمل ولا تجلب إليها وسائل الشر والتدمير الخلقي بل يعتني بها غاية الاعتناء ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Donc le chef dit donc, craignez Allah, vous qui avez été éprouvés par ces genres d'appareils et de téléviseurs et des trucs de ce genre, il dit, il donne aux gens un remède vraiment qui peut être, disons, le meilleur, la meilleure chose à faire, mais qui n'est pas facile pour la plupart des gens, c'est de s'en débarrasser. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un « débarrasse-toi de ton téléviseur », c'est comme si tu lui dis « débarrasse-toi de ton réfrigérateur ». Parce que pour eux, ça fait partie des meubles de la maison. Quand quelqu'un va meubler sa maison, soit parce qu'il vient de se marier ou il emménage quelque part, il va acheter des meubles, la télévision, ça fait partie des meubles pour les gens d'aujourd'hui. Alors que ça n'a rien à voir avec les meubles, mais c'est juste quelque chose yani, qui va te distraire du rappel d'Allah et qui va yani, disons, amener toutes sortes de corruption dans ta maison. Et subhanallah, je me rappelle au début quand on était devenus musulmans, on posait la question au sujet de la télévision, et il y a des frères qui disaient, ou il y a des gens qui disaient, ah si tu vois par exemple une émission, puis là il y a quelque chose qui est pas bon, eh ben tu fermes quand il y a cette chose, tu fermes, ou bien tu changes de poste à ce moment-là, puis des choses comme ça. Mais à la fin, c'est, on voit vraiment que c'est pas sérieux yani, d'agir de cette façon. Puis le mieux vraiment, c'est surtout regardez par exemple la situation quand par exemple quelqu'un est assis devant cet appareil. Et qu'il est assis à côté, puis il y a son père avec lui, ou bien à sa mère, ou sa sœur, et qu'il regarde un programme ou une émission, puis tout d'un coup, yani, tu vois une scène qui est pas bonne. Yani, la réaction, c'est la honte, hein, c'est la gêne et la honte de voir ces choses-là. Et il y a des gens qui disent, non, nous on l'a seulement, c'est pour regarder les émissions religieuses. Là, il y a les émissions soi-disant religieuses qui passent à la télé. Et c'est pas vrai qu'ils écoutent tout le temps seulement les émissions religieuses. Ou bien ils disent qu'ils écoutent les nouvelles, les infos. Il y a d'autres moyens de voir les infos. Hein? Il y a la radio, il y a les journaux, même il y a l'internet maintenant, des trucs de journaux sur internet, ou même les infos 24 heures sur 24. Tu peux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a d'autres moyens. C'est des prétextes parce que souvent, ils regardent aussi d'autres choses. Et les enfants, il y a les bandes dessinées. Ils passent des heures devant ça. Quand les enfants, quand les parents sont fatigués, ils ne veulent plus entendre les enfants crier ou jouer, ils mettent les bandes dessinées. Et les dessins animés. Ils s'assoient pendant des heures, ils regardent ça. Et puis ils absorbent toutes sortes de bêtises dans leur cerveau et dans leur cœur, qui les éloignent d'Allah et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de revenir à la réalité là, de qu'est-ce que ça signifie l'éducation. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On a un voyageur ici, mashallah. Barakallahu fik. Bon, je me sens dépaysé là tout d'un coup. Eh, mashallah, jazakallahu khairan. Donc, le cheikh il dit, ne faites pas vos demeures devenir comme des tombes, et donc ça veut dire, occupez-vous de vos maisons, remplissez vos maisons de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, ou il nous a informé que le shaitan il s'enfuit de la maison dans laquelle on récite surat al-Baqarah. Donc, récitez surat al-Baqarah dans vos maisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innaha la tatiquha al-batala » c'est-à-dire, les shayatins ne peuvent pas supporter cette surah, ne peuvent pas supporter de l'entendre. Donc, lorsque vous récitez al-Baqarah, ça éloigne de vos maisons les shayatins. aussi les maisons, les photos, enlevez les photos des murs, mettez pas les photos sur les murs, parce que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les anges rentrent pas dans la maison où il y a des images et des photos. Malheureusement, actuellement, les musulmans, beaucoup de musulmans, ils laissent les images des gens de la famille, des membres de la famille, sur des tableaux, ou sur les murs, ou sur des photos. Et donc, ils empêchent les anges de rentrer chez eux, et ils ouvrent la porte aux shayatines avec toutes sortes de choses qui sont haram. Donc, les gens, ils entendent ça, et puis ils disent, ah, mais non, mais quand même, hein, tu vois, on a besoin de voir ces photos et tout. C'est tant pis pour vous si vous faites ça, vous éloignez le bien de vos maisons, et vous ramenez le shaytan dans vos maisons. Donc, pensez à la réalité de qu'est-ce qui est bon pour vous, pas seulement qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous voulez faire. Et le shaykh, il dit que ne pas faire, faites attention à vos maisons, et donc ça veut dire que la maison du musulman, le musulman doit faire attention à qu'est-ce qui rentre dans sa maison, et il ne doit pas le négliger, il doit éloigner de sa maison toute chose qui amène au mal et qui détruit le bon comportement. Bal ya'tani biha ghayat al-i'tina, et il ordonne le bien et il interdit le mal dans sa maison. Le bon comportement, c'est quelque chose que celui qui l'a pas connu peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, c'est difficile pour quelqu'un de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, surtout si il a grandi dans une famille ou dans une maison où les gens n'ont pas un bon comportement. Ils ne connaissent pas la pudeur, le haya, l'afaf, l'hishma. Par exemple, vous parlez avec certaines personnes dans cette société ici qui sont des koufars, vous leur parlez de chasteté, de pudeur, peut-être que ces mots-là, ils ne savent même pas ce que ça signifie. Hein? Et puis, haya, hishma, des choses comme ça, pour eux, ça veut rien dire. Hein? Et puis, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas connu ces qualités-là. Et il y en a même parfois qui pensent que ça n'existe pas. Hein? Ils pensent que ça n'existe pas. Et parfois même, on se demande vraiment, est-ce que c'est pas en train de disparaître complètement ces qualités-là dans la société? Même dans certaines sociétés musulmanes. Dans certains pays musulmans, dans certaines familles, hishma, ça veut plus dire grand chose. Quand on pense qu'à une époque, une femme, si elle voyait un homme, elle devient rouge. Si elle sait qu'un homme la voit ou des choses comme ça, elle est gênée dans la présence d'un homme. Aujourd'hui, même si la fille elle est à moitié nue depuis une dizaine d'hommes qui la regardent dans la rue, ça lui fait rien du tout. Donc c'est pour te dire comment les choses ont changé aujourd'hui. Hein? Comment avant une femme, juste dès qu'on voyait son visage, elle allait être gênée, elle allait se cacher pour pas qu'on la voie. Aujourd'hui, même si elle est presque nue, elle a des vêtements collants puis tout ça, elle marche quand elle voit la rue, c'est comme si il y a des vêtements qu'on porte, que quelqu'un porterait pour aller dormir, hein, que tu portes pas, même pas devant les membres de ta famille à la maison parce que t'es gêné qu'ils te voient dans cette tenue, ben, il y a des gens qui le portent pour aller dehors et pour montrer ça aux gens dehors, hein, des étrangers, même pas des membres de la famille. Donc c'est pour dire, et qu'est-ce qui arrive quand le père, il est devant, il voit sa fille sortir comme ça et puis qu'elle marche comme ça dans la maison? Il y en a que ça leur fait rien. C'est comme ça la modernité, l'évolution. C'est comme ça que vivent les koufars, et donc eux, ils suivent ces exemples-là. Donc c'est triste. Mais c'est pas parce qu'on l'a perdu qu'on ne peut pas le retrouver. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas, ces qualités-là, on les a perdues ou on les a pas, on peut les acquérir en se forçant à les adapter et à les incorporer dans notre façon de vivre, dans notre façon de se comporter. Hein? Et puis, si on les adopte et puis qu'on essaie de les transmettre à nos enfants, eh ben, elles vont elles vont continuer, c'est ça que ça veut dire. Parce que avant l'islam, dans la jahiliya, c'est vrai qu'il y avait des qualités, il y avait des bons comportements parfois, mais en général les gens étaient dans l'égarement. Et l'islam est venu, elle a réformé ces mauvais comportements-là, elle a disons, purifié, nettoyé les mauvais comportements des gens, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de normal dans la société, les gens ont adopté ces comportements-là. Et avec le temps, bon, maintenant ça y est, ça s'est dégradé, mais c'est pour dire que si c'est revenu une fois, ça peut revenir encore. Mais c'est une question d'éducation, une question d'effort aussi pour faire le travail et essayer de changer soi-même. Le cheikh il dit كما أن في الحديث الحث على عمارة البيوت بذكر الله فيه النهي عن الصلاة عند القبور من مفهوم الحديث لأن الذي لا يصلي عنده هو القبر فالبيت الذي لا يصلى فيه نافلة ولا يقرأ فيه قرآن ولا يدعى فيه صار مثل القبر لأنه ممنوع من الصلاة عنده والدعاء عنده فالحديث يدل بمفهومه على منع الصلاة عند القبر ومنع الدعاء عند القبور. Le cheikh il dit, de même que dans le hadith il y a une incitation d'aller dans les mosquées pour Imarat al-Buyut, pardon, de remplir les maisons et de faire vivre le rappel d'Allah dans les maisons, et en même temps l'interdiction de prier dans les tombes. Et ça c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le hadith, dans le sens du hadith, que on ne doit pas prier là où il y a des tombes. Donc la maison dans laquelle on ne prie pas et on ne fait pas de prières supplémentaires ou qu'on ne récite pas le Coran ou qu'on ne fait pas des du'as, eh bien elle devient comme la tombe. Donc ça indique que de prier ou de faire des du'as là où il y a des tombes, c'est pas permis, hein, par rapport à ce hadith. Donc on peut comprendre que de prier dans les tombes, là où il y a des tombes ou des cimetières, c'est pas permis, ou de faire des du'as également dans ces endroits-là. Le cheikh il dit « Al-Kalimat al-Thaniya qawluhu » صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا العيد اسم لما يعود ويتكرر في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة سمي عيدا من العود وهو التكرر والعيد ينقسم إلى قسمين عيد زماني وعيد مكاني فالعيد الزماني المشروع عيد الفطر وعيد الأضحى وهذه أعياد الإسلام المشروعة والعيد الزماني الممنوع أعياد الموالد فهي الأعياد الزمانية المحرمة وأعياد الجاهلية التي كانوا يعملونها في الجاهلية وأعياد الفرس النيروز والمهرجان وعيد الميلاد المسيحي بل الميلاد النصراني ولا نقول المسيحي لأن الله برأ المسيح من هذا وإنما هو العيد النصراني ومثله كل عيد يفعله بعض المسلمين أو المنتسبين للإسلام مما لم يشرعه الله كعيد المولد للرسول صلى الله عليه وسلم أو المولد للشيخ أو الموالد للعظماء أو لغير ذلك كل هذه أعياد جاهلية وهي أعياد زمانية جاهلية لا يجوز عملها. Le cheikh il dit que dans la deuxième phrase de ce hadith, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Et ne faites pas ma tombe devenir une Eid ». Et le cheikh explique que « Al-Eid » c'est un mot qui vient de « Ma ya'oudu wa yatakarrar » c'est-à-dire qu'est-ce qui revient et qui se répète. C'est de là que vient le mot « Eid ». Et soit que ça se répète à chaque jour, ou à chaque semaine, ou à chaque mois, ou à chaque année, donc on l'appelle « Eid » parce que ça se reproduit tout le temps, et ça revient tout le temps. Et il dit le cheikh que « l'Eid » ça se divise en deux catégories. L'Eid par rapport au temps, et l'Eid par rapport au lieu. C'est-à-dire des lieux de rassemblement ou des temps de rassemblement. Hein? dans ce sens-là. Donc le cheikh il dit que l'Eid al-Zamani, l'Eid par rapport au temps qui est permis dans l'islam, c'est les deux fêtes qu'on connaît, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Ça c'est les deux fêtes de l'islam qui sont permises. Et l'Eid par rapport au temps qui sont interdites, ça c'est l'Ayad, c'est comme l'Ayad, c'est-à-dire les fêtes de naissance de certaines personnes. Okay, de les répéter à chaque année, ça c'est interdit. Les fêtes de la Jahiliya, c'est-à-dire les fêtes que les gens fêtaient avant l'islam, que ce soit chez les Arabes ou les autres peuples, c'est des fêtes de Jahiliya, comme par exemple Al-Nayrouz chez les Perses et Al-Mahrajan. Ça c'est des fêtes qu'ils faisaient chaque année à des dates précises. Ou bien la fête de Noël chez les chrétiens, hein, ça aussi c'est une fête qui se répète à chaque année à une date précise, et ça c'est donc, ça fait partie de Eid al-Zamani, et c'est interdit de le célébrer. Donc toute autre fête, autre que Eid al-Adha et Eid al-Fitr, c'est pas permis de le célébrer. Que ce soit la fête du jour de l'an, ou d'autres genres de fêtes qui sont autres que les fêtes qu'on a mentionnées, on n'a pas le droit de les célébrer. Et des fois, parfois dans certains peuples, dans certains pays musulmans, où des gens qui sont musulmans ont des fêtes qu'ils célèbrent, qui sont pas basées sur l'islam, qui sont, c'est-à-dire c'est des fêtes autres que Eid al-Adha et Eid al-Fitr, donc ça aussi ça rentre dans les choses haram, les fêtes haram, qu'on n'a pas le droit de célébrer. J'ai entendu parler de certaines fêtes, comme une fête au Sénégal, où les gens, ce jour-là, les hommes s'habillent en femmes, les femmes s'habillent en hommes. Oh oui, c'est une fête comme ça qu'ils font au Sénégal. Yani, je ne sais pas si c'est basé sur quoi, mais de toute façon, ça c'est des exemples de fêtes qui sont haram dans l'islam. Non seulement que c'est haram de fêter ça, mais en plus de s'habiller en femme pour un homme et de s'habiller en homme pour une femme, ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit. Donc, quelqu'un ne doit pas fêter ça. Sinon, il y a aussi dans d'autres pays musulmans des fêtes qui sont pré-islamiques. Puis, ils ont associé à ça quelque chose comme par exemple la naissance d'un wali ou d'un sayyid. Et chaque année, ils font une fête pour ce wali ou ce sayyid. Et c'est en même temps associé avec la date d'une fête qu'ils fêtaient avant l'islam. Et donc, ils ont mélangé ça avec l'islam. Et donc ça représente des formes de bid'ah et des choses interdites aussi dans l'islam. Surtout si c'est associé avec des formes de shirk aussi, comme des adorations pour les tombes et des choses comme ça. Donc ça c'est encore plus grave. Et c'est ça ce que le cheikh donne comme exemple pour les fêtes qui sont faites pour la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont fait cette semaine, les gens comme les soufis et les autres. Et dans la plupart des pays musulmans, ils ont ce jour-là qui est une fête, un jour de congé, hein, et ce jour-là, ils fêtent la naissance du prophète, alors ça, et ça c'est interdit, hein, parce que c'est une bid'a. Et il y a les naissances d'un cheikh, ou d'un imam, ou d'un grand homme, un roi, ou quelque chose de ce genre, tout ça c'est interdit dans l'islam. Ou bien les fêtes nationales, les jours de libération, ou les jours d'indépendance, ou les jours de ci, les jours de ça, tout ça, les fêtes nationalistes qu'on appelle, ça aussi, ça fait partie des fêtes qui sont pas dans l'islam, qui sont contraires à l'islam, on n'a pas le droit de fêter ça. Hein? Donc, ça c'est des exemples. Le cheikh il dit, أن الله شرع لنا عيدين, عيد الأضحى وعيد الفطر, وكل عيد من هذين العيدين, بعد أداء ركن من أركان الإسلام, فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام, وعيد الأضحى بعد أداء ركن الحج, وهو الوقوف بعرفة, لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, الحج عرفة, وما بعده من المناسك فهي تابعة له, فمن وقف بعرفة فقد أدى الركن الأكبر للحج, ويتبعه بقية الأركان, أما من لم يقف بعرفة فقد فاته الحج, فلا فائدة له من أنه يأتي ببقية الأركان, لأنه لم يأتي بالأساس وهو الوقوف بعرفة فجعل الله عيد الأضحى شكرا لله بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج هذه أعياد الإسلام الزمانية. الشيخ الزي الله سبحانه وتعالى إلى juste pourquoi c'est interdit ces fêtes là parce que Allah il a uniquement légiféré deux fêtes dans l'islam, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, et tout autre que ces fêtes là en dehors de ces deux fêtes là c'est pas permis de les fêter. Et les deux fêtes dans l'islam sont faites après avoir établi un pilier parmi les piliers de l'islam. Comme par exemple, Eid al-Fitr, c'est après avoir accompli le pilier de Ramadan, le pilier du jeûne. Donc à la fin, on fait Eid, la fête de al-Fitr. Et Eid al-Adha, on le fait avoir accompli le pilier de al-Hajj. Et le jour de l'Eid, ça correspond au lendemain de Arafat. Le lendemain de Arafat, quand on s'est tenu sur Arafat, on fait la fête qu'on appelle Eid al-Adha, et ça c'est pour célébrer le fait qu'on a établi le plus important pilier du Hajj. Parce que le Cheikh il dit que le plus important pilier dans le Hajj, c'est de se tenir sur Arafat. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafa. C'est-à-dire, si t'as fait le wukuf de Arafa, t'as fait le Hajj. D'accord? C'est-à-dire que c'est le plus important dans le Hajj. Les autres choses qui viennent après, les autres rites qui viennent après, comme lancer les pierres sur les jamarat, de faire tawaf, al-ifaba, et de faire aussi le sacrifice, et tous ces autres rituels, et de dormir à Mina, et ces choses-là, ça c'est des rituels qui suivent, hein, qui suivent Arafat, mais celui qui n'a pas fait Arafat, ça sert à rien pour lui de faire les autres rituels, parce qu'il n'a pas fait le Hajj. Celui qui a manqué le wukuf à Arafat, qui s'était pas tenu à Arafat, c'est comme s'il n'a pas fait le Hajj. D'accord? Donc c'est pour dire que les autres, celui qui a fait le wukuf de Arafat, il fait les autres rituels, mais celui qui n'a pas fait le wukuf de Arafat, c'est comme s'il n'a pas fait le Hajj. Donc c'est pour montrer l'importance de Arafat, et donc c'est pour ça qu'après ce jour-là, après le jour d'Arafat, on fait la fête Al-Adha. Et on fait ça pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir accompli ces deux piliers, le Ramadan et le Hajj. Et ça, c'est les fêtes qui ont rapport avec le temps, des fêtes qui sont reliées au temps. Le Cheikh dit, أما الأعياد المكانية فهي أيضا تنقسم إلى قسمين أعياد شرعية وأعياد محرمة فالأعياد الشرعية مثل الاجتماع في المساجد في اليوم والليلة خمس مرات فهذه أعياد مكاني فهذا عيد مكاني مشروع وكذلك الاجتماع في الأسبوع لصلاة الجمعة فهذا عيد الأسبوع عيد مكاني وكذلك من الأعياد المكانية المشاعر مسجد الحرام ومنى وعرفة ومزدلفة التي يجتمع فيها المسلمون أيام الحج لأداء المناسك هذه أعياد إسلامية مكانية أما الأعياد المكانية المحرمة فهي الاجتماع عند القبور سواء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره والسفر إلى القبور والتردد إلى القبور من أجل الدعاء عندها والصلاة عندها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا للعبادة تصلون عنده وتدعون عنده وتترددون عليه. الشيخ الذكر إليا également des أعياد, des choses qui se répètent par rapport aux endroits et aux lieux. Et ça se divise en deux catégories. Les A'yad qui sont permises et celles qui sont interdites. Okay? Et parmi les A'yad ou les Eid qui sont par rapport au lieu, qui sont, c'est permis qu'on se regroupe dans ces lieux-là à des moments précis ou à des temps précis, c'est comme les mosquées par exemple, de se réunir dans les mosquées aux cinq prières, aux heures des cinq prières par jour. Ou, donc ça, on peut dire que c'est une forme de Eid Makani, un Eid qui a rapport au lieu. Ok, parce qu'on se réunit dans cet endroit-là cinq fois par jour. Également, la prière de Jumu'ah, on se réunit une fois par semaine à la mosquée pour ce jour-là. Donc ça, c'est un Eid pour cette, pour ce lieu-là. L'Eid aussi, qui a rapport au lieu, comme par exemple la mosquée Al-Haram à Mecca, ou bien à Mina, ou à Arafat, ou à Muzdalifa, dans lequel on se réunit, hein, les musulmans se réunissent. En fait, quand tu vois l'Eid al-Makani, c'est relié au temps aussi. On voit tout de suite qu'il y a un lien quand même avec le temps, parce que même si on se réunit dans un lieu, c'est vrai que c'est un lieu spécifique, mais c'est toujours à un temps aussi spécifique en même temps. Tandis qu'il y a même al-Zamani ou al-Makani, des fois c'est relié ensemble. Et donc ça, c'est des exemples de Eid pour al-Makani. Toutefois, il y a des gens qui se réunissent dans des lieux, à certains endroits, à certains moments, qui ne font pas partie des endroits et des moments qui sont permis dans l'islam. Ils ont inventé des lieux, ils ont inventé des moments pour se réunir, qui ne sont pas spécifiés par la charia de l'islam. D'accord? Donc, ça, c'est interdit de suivre ces gens d'Eid-là. D'accord? Les gens pensent que l'Eid, c'est juste par rapport à la fête, le fait de fêter, hein, et de s'organiser. Mais c'est pas juste ça, l'Eid. Hein. L'Eid, c'est comme si tu prends, ou tu détermines qu'à chaque année, on fait telle chose, ou on se réunit à tel endroit, ou à tel moment de l'année, on se réunit, ou on fait telle chose. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça devient une forme de Eid. Hein. Il donne l'exemple, le fait de se rassembler à une tombe, ou de, que ce soit la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou la tombe d'un autre parmi les hommes, hein, ou de faire un voyage pour aller à une tombe, ou d'aller constamment et de retourner constamment à une tombe, ou pour faire, que ce soit pour aller faire un doua, ou faire une salat, ou des choses de ce genre, ça fait partie de prendre la tombe pour un Eid. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la taj'alu qabri Eidan. Ok? Donc, c'est-à-dire, ne prenez pas ma tombe comme un lieu pour aller faire des adorations, que vous allez, pour faire des doigts ou pour faire des salawat, et vous revenez à cet endroit-là constamment. D'accord? Prenez pas ma tombe de cette façon-là. Ok. Et le cheikh dit, وَهَذَا مِنْ حِمَايَتِهِ صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد فيه شاهد للباب من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا أي مكانا يجتمع عنده للعبادة فالعبادة لا تشرع عند القبور لا قبور الأنبياء والرسل ولا قبور غيرهم من الأولياء والصالحين أبدا فالمقابر ليست محلا للعبادة فمن تردد عليها وجلس عندها أو وقف عندها للتبرك بها أو للدعاء عندها أو للصلاة عندها أو سافر إليها فقد اتخذها عيدا جاهليا وعيدا محرما ولهذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله بأنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم مكان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال يعني مكان الاجتماع أو مكان لاجتماع أهل الجاهلية؟ قال لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم والشاهد منه أنه قال هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني هل كان هل هذا المكان الذي خصصته هل كان في الجاهلية أو هل كان الجاهليون يخصصونه؟ فدل على أن تخصيص مكانا تخصيص مكان للعبادة لم يخصصه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه من أعياد الجاهلية ولا تجوز العبادة فيها ولا تجوز العبادة فيها أبدا أو فيه أبدا من ذلك القبور فالتردد عليها والجلوس عندها من أجل التبرك بتربتها أو من أجل الدعاء عندها أو الصلاة عندها كل هذا من اتخاذها عيدا ووسيلة من وسائل الشرك. للشيخ السيكر l'exemple de la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam des limites du tawhid, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on prenne sa tombe comme un lieu de visite où on retourne continuellement. Et donc, c'est-à-dire un endroit où les gens vont se réunir pour faire des ibadat et pour faire des actes d'adoration. Le chef il dit que c'est pas permis de faire des actes d'adoration là où il y a des tombes. Et les tombes sont pas des lieux pour faire des adorations, que ce soit les tombes des prophètes et des messagers ou les tombes des awliyas ou des hommes pieux. Hein. Donc les tombes sont pas des lieux pour faire des adorations. Donc celui qui retourne constamment à une tombe ou à des tombes et qui va s'asseoir près de ces tombes-là ou qui se tient dans ces lieux-là pour soi-disant recevoir une baraka, une bénédiction, ou bien qui vont là-bas pour faire des du'as, ou qui vont là-bas pour faire des salats, une salat, ou qui font des voyages, hein, alors celui qui fait ça, il a pris la tombe comme un id, hein, jahiliyan, idan jahiliyan, il l'a pris comme une id de l'époque pré-islamique, hein, c'est de l'époque de la jahiliya, et il l'a pris, il a établi une forme de haït interdite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a un homme qui est venu le voir, il lui a dit qu'il avait fait un vœu, que s'il allait avoir son vœu exaucé, il allait égorger un chameau à tel ou tel endroit. Il a mentionné le nom de la place, Bawala, ok. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de lui dire oui vas-y, il lui a demandé deux choses. Il lui a demandé la première chose. Est-ce que, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il a dit est-ce qu'à cet endroit-là, il y avait des gens qui égorgeaient dans la jahiliya, ils égorgeaient pour une idole à cet endroit-là? L'homme a dit non. Il dit est-ce que il y avait un rassemblement ou un lieu de rassemblement de la jahiliya à cet endroit-là où les gens allaient se rassembler régulièrement chaque année? Il a dit non. Alors dans ce cas-là, il a dit alors remplis ton vœu, hein, ton serment, remplis ton serment qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Il lui a dit auf bi nadrik, mais parce qu'il n'y a pas non. Si par exemple tu as fait le vœu ou le serment de faire quelque chose de haram, alors dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de remplir ton vœu pour quelque chose de haram. Ok? Et également, il a dit ensuite, voilà fima la yamlikuhu ibn Adam. C'est juste pour ce que tu possèdes que tu peux faire des vœux. Qu'est-ce que le cheikh a voulu tirer de ce hadith et de cet exemple-là? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé, est-ce qu'il y avait à cet endroit-là une Eid parmi les ayades de la jahiliya? Est-ce que c'est un endroit où les gens avaient spécifiquement choisi pour se réunir, pour faire des adorations dans la jahiliya? Et, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu non. Donc ça prouve que on n'a pas le droit d'abord dans ce cas-là de prendre un endroit et de spécifier un endroit pour faire une adoration, excepté si cet endroit-là a été désigné spécifiquement par Allah ou par son messager. Ok? que celui qui spécifie que, par exemple, on doit faire une adoration à telle place, sans que ce soit prouvé ou établi par le Coran ou la Sunna, et donc c'est comme s'il a établi un Eid de la Jahiliya. Parce qu'il a spécifié de faire quelque chose ou de se réunir à un endroit spécifique sans aucune preuve. Hein, c'est comme par exemple de faire des adorations dans la mosquée. On a des preuves que c'est permis puisque dans la Sunna, le Prophète et dans le Coran, Allah a désigné que les mosquées c'est fait pour adorer Allah. Donc c'est correct. Mais si tu dis par exemple un endroit spécifique à telle place, c'est pas une mosquée. Et tu dis il faut aller se réunir là pour faire des adorations. Tu as besoin d'un dalil, hein. Et les tombes, il n'y a pas de doute que les tombes, ça ne fait pas partie de ces lieux où on a le droit d'aller pour adorer. Et donc celui qui établit ça, il a établi quelque chose qui a rapport avec la djahiliya. Et donc, c'est ce qu'il dit le cheikh. Les tombes, et de retourner constamment aux tombes, et de s'asseoir là-bas, ou de chercher la baraka de la poussière des tombes, eh bien ça fait partie des choses de la djahiliya. Ou de se réunir à ces endroits-là, et de faire des salawats à ces endroits-là. Ça fait partie de les prendre comme des eid. Et c'est un moyen ou quelque chose qui amène au shirk. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi à ce sujet-là? Le shaykh dit, كما هو واقع الآن عند الأضرحة مما لا يخفاكم وتسمعون عنه في البلاد الأخرى التي بليت بهذه الفتنة والعياذ بالله ولم تجد من دعاة التوحيد من يقوم بنصيحة المسلمين عنها والأمر بإزالتها نرجو الله أن يهيئ للمسلمين من يقوم بإصلاح عقيدتهم وإزاحة هذه الفتنة العظيمة عنهم كما من على هذه البلاد ولله الحمد بهذه الدعوة المباركة التي أزاحت عنها هذه الأوثان الجاهلية نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإخواننا المسلمين على هذا الدين وأن يتم علينا عليها هذه النعمة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وإلا فنحن معرضون للفتنة أي نعم فنحن معرضون للفتنة ولا نزكي أنفسنا ولا نأمن أن نصاب بمثل ما أصيب به أولئك إذا تساهلنا وغفلنا وتركنا الدعوة إلى الله وتركنا بيان التوحيد والتحذير من الشرك فإنه يدب إلينا ما وقع في البلاد المجاورة لنا. Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ça, c'est que il y a des gens, comme je mentionnais dans la khutba, que il y a des gens qui se sont basés sur le fait que certains soi-disant prêcheurs aujourd'hui, ils se rasent la barbe pour dire que, ah mais si eux ils rasent la barbe, dans ce cas-là, c'est pas interdit de le faire. Et ils se basent sur les actions de certains du'ats ou de certains shuyukh pour rendre quelque chose halal ou haram. Et la même chose pour qu'est-ce qui a rapport avec les tombes et avec les bid'ahs, des choses comme ça, il y a des gens qui se basent sur les actions des shuyukh pour rendre quelque chose halal. Et donc ils se disent par exemple, s'il y a des shuyukh qui nous disent que c'est correct d'aller adorer les tombes, ou d'aller faire des du'as où il y a des tombes, ou de participer à al-mawlid nabawi, ou des trucs de ce genre, donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas haram, hein. Et donc ils se basent sur les paroles et les actions de certains shuyukh, et ils ne regardent pas les preuves et les fondements qui sont établis par le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans l'égarement. Parce qu'ils se basent sur l'exemple des gens qui ont dévié du droit chemin. Et ça, c'est la même chose que les Juifs et les Chrétiens ont fait. Pourquoi les Juifs et les Chrétiens aujourd'hui se sont égarés? C'est parce qu'ils, la plupart, une des raisons, c'est qu'ils ont suivi leurs prêtres et leurs moines et leurs rabbins dans les erreurs et les égarements qu'ils ont faits. Donc ils se disent, si ce sont eux nos guides, nos exemples à suivre, et que eux ils disent que c'est correct, donc nous on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas raison, et donc on va suivre leur exemple. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils se sont égarés. Et donc c'est pour ça que les musulmans, on ne doit pas prendre les paroles des gens et leurs actions comme des références, mais il faut savoir les preuves et les références des textes de l'islam pour savoir que quelque chose est accepté et qu'il est permis dans les questions d'adoration et les questions de religion. Pas juste, il y a un frère ici une fois, après la salat, il levait ses mains pour faire le doigt, après chaque prière. Il ne fait pas le zikr, il ne fait pas les choses qui sont mentionnées dans la sunna. Tout de suite, il finit, assalamu alaikum, assalamu alaikum, lève ses mains. Quand il finit, il se frotte le visage comme ça. Et quand je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, il m'a dit, mais j'ai vu des grands chouyours qui faisaient ça, donc ça veut dire que c'est permis. Donc, pour lui, le fait de voir un grand cheikh ou un imam, soi-disant, quelqu'un qu'il respecte, hein, qui est connu pour son savoir dans l'islam, le fait qu'il l'ait vu faire ça, c'était une preuve pour lui que c'était permis. Est-ce que c'est comme ça qu'on établit dans la religion de l'islam qu'est-ce qui est permis ou non? C'est pas la façon. C'est pas en regardant qu'est-ce que des gens font qui détermine que ce qu'ils font est correct. C'est plutôt en retournant aux références et aux preuves. Parce que même les savants peuvent faire des erreurs. Même les savants peuvent se tromper. Même les savants peuvent s'égarer dans certaines questions et dans certains sujets. Et si toi tu les suis dans cet égarement et dans cette erreur, tu seras responsable. Même si t'es pas à leur niveau, ça veut pas dire que tu peux pas savoir ce qu'ils font est une erreur. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que pour corriger un savant, il faut que tu sois un savant toi-même. Et ça, c'est pas nécessaire d'être un savant et de connaître tout ce que ce savant-là connaît et plus encore pour être capable de le corriger, ça c'est faux. Si tu sais que sur cette question, le cheikh a fait une erreur parce que tu as vu les preuves qui sont en contradiction avec ce qu'il dit, même si tu n'as pas son niveau de savoir, tu peux dire qu'il s'est trompé sur cette question-là. Parce que tu as entendu un autre savant qui a ramené les preuves de l'erreur de celui-là, et donc tu es au courant maintenant que ce qu'il a dit est une erreur. Comme les ulama ils ont expliqué, que lorsqu'une personne, un musulman ordinaire, il est devant deux fatwas, une fatwa qui dit halal, une fatwa qui dit haram, il doit agir de la même façon que le mujtahid agit devant deux textes qui sont en apparence contradictoires. Le mujtahid, le alim, mujtahid qui arrive devant un texte qui dit ça c'est halal et l'autre texte qui dit ça c'est haram, il doit faire une ijtihad pour essayer de comprendre et de connaître comment réunir ces deux apparences de contradiction, ou comment comprendre est-ce que l'un des deux est pas authentique ou autre, des choses de ce genre. Eh ben, ça c'est pour le mujtahid. Maintenant, si nous on n'est pas des mujtahidines, et qu'on entend un alim qui nous dit halal, et l'autre qui nous dit haram, eh ben on doit faire comme, dans ce sens-là, on doit analyser, et essayer de savoir pourquoi lui il a dit ça, et pourquoi lui il a dit ça, et de suivre celui qui nous paraît le plus proche de la vérité. Pas de suivre ce qui nous fait plaisir, ou de suivre ce que nos passions nous demandent de faire, mais de suivre ce qui est plus près de ce qu'on considère être la vérité par rapport au texte de la révélation. Il faut être sincère là-dedans, sinon bien entendu, les gens vont juste suivre ce qui leur plaît et suivre leur passion. Donc ça c'est un exemple. Et donc le cheikh il dit à ce sujet-là, il dit aujourd'hui, comme vous le savez, c'est ça, vous êtes au courant, vous entendez que dans les autres pays, parce que lui il est en Arabie Saoudite le cheikh, et il n'y a pas ces genres de pratiques-là qui sont faites ouvertement, mais qui sont faites dans ces pays-là, parce qu'il y a eu, disons, on a rasé toutes ces formes de tombes et de dôme où les gens allaient faire des adorations. Donc, il n'y en a plus là-bas, alhamdulillah, grâce à la da'wa du tawhid. Mais dans d'autres pays, le cheikh dit, ils ont été éprouvés par ce genre de fitna, et ils n'ont pas trouvé de gens qui allaient les appeler au tawhid et leur donner le bon conseil, et leur ordonner d'éliminer ces tombes et ces formes de shirkiyat. Donc, on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala va, disons, préparer pour les musulmans de ces pays-là quelqu'un, des gens qui vont venir pour corriger et réformer la aqidah de ces gens-là, pour éliminer cette forme de fitna. Et comme ça a été le cas pour notre pays, que ce soit la même chose pour les autres pays musulmans aussi, où il y a ces formes de shirk et de bid'a. Et on demande à Allah qu'il nous raffermisse, hein, nous et ainsi que nos frères, sur cette religion-là, et qu'il accomplisse cette grâce qu'il nous a faite, et qu'il n'égare pas nos cœurs après qu'il nous ait guidés. Il dit parce que même nous, on est capable, ou disons, on est susceptible de tomber nous aussi dans la fitna. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous, on a réussi à éliminer ces formes de fitna et de shirk, que ça peut pas nous arriver quand même à nous aussi dans notre pays. Il dit qu'on n'est pas, infaillible de tomber dans des égarements et des erreurs. Et on se purifie pas nous-mêmes, on dit pas nous-mêmes, oui, ça y est, nous, on est arrivé, ça y est, on est pur, on est correct, hein. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Ça peut nous arriver à nous aussi si on prend les choses à la légère, puis on devient insouciant, et qu'on abandonne la da'wah, et qu'on abandonne l'explication du tawhid, et qu'on n'avertit pas contre le shirk. Ce qui arrive dans d'autres pays qui sont autour de nous, eh bien, peut arriver aussi à nous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à expliquer aux gens la réalité du tawhid. Donc, je pense que il serait bien de s'arrêter ici, inshallah, puis on continuera demain, bismillah. Donc, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.